Portrait d'assaut sur Fadjet. Nous accueillons Ambre, Charline et Côme du lycée Saint-Sigisbert et le père Isaac de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle qui viennent nous parler du groupe Agis Nancy et d'un brunch de Pâques qui se prépare sur le parvis de la cathédrale le 13 avril prochain. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Déjà, père Isaac, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Agis Nancy ? Avec grand plaisir. Agis Nancy signifie « avec les jeunes »,« omnerie des jeunes » ou « avec joie ». C'est un groupe composé de filles, de garçons, hommes et femmes, laïcs et prêtres, tous passionnés des rencontres vraies et simples. Agis Nancy ne travaille pas seulement avec la cathédrale, qui est la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, travaille avec des collaborateurs, des partenaires, notamment le lycée Charles de Foucault et Sigisbert Notre-Dame. Donc c'est un groupe qui s'adresse aux jeunes et peut-être plus spécifiquement aux lycéens ? Oui, aux lycéens. Oui. De Nancy ? De Nancy en général, mais pas que de Nancy. Tout jeune qui se soit interpellé est le bienvenu. D'accord. Et on y fait quoi donc dans ce groupe ? Dans ce groupe, nous avons trois grands axes. Le premier axe, c'est de pouvoir animer une émission de radio comme nous le faisons aujourd'hui. Deuxième axe, c'est pouvoir aider d'autres lycéens démunis, surtout du continent africain. Nous avons déjà identifié le pays spécifique, le Burundi. Et maintenant, troisième axe, c'est partager des moments de joie avec les lycéens. Oui, notamment des brunchs. Et là, nous serons à la quatrième édition. Voilà, on va en parler tout à l'heure, du brunch de Pâques qui se prépare sur le parvis de la cathédrale le 13 avril prochain. Exactement. Donc Agis Nancy, c'est un nom à retenir qui s'adresse à tous les lycéens. J'ai entendu que c'était en lien avec la paroisse, donc il faut être chrétien ou catholique pour rejoindre ce groupe ? Non. On n'a pas besoin d'être chrétien. C'est-à-dire que tout jeune, dans le respect des convictions religieuses de chacune et de chacun, est bienvenu. Tous les lycéens sont les bienvenus donc à ce groupe Agis Nancy. Et donc, autour de la table, nous en avons trois des lycéens. Ambre, Charline et Côme, vous êtes au lycée Saint-Sigisbert. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez entendu parler de ce groupe Agis Nancy ? Alors, dans le cadre de notre année de première, on a un engagement à accomplir, entre guillemets. Et en fait, notre responsable pastoral, Sophie Marchand, nous a mis en contact avec le père Isaac, car on était à la recherche d'un engagement. On a trouvé que l'Agis Nancy, c'était très intéressant. Donc là, au lycée Saint-Sigisbert, vous avez un engagement un peu social pastoral à faire sur l'année. Vous êtes en première, hein, c'est ça. Donc c'est en première ou ça s'adresse à tous les lycéens, cet engagement ? Alors non, l'engagement, c'est vraiment en première. Mm-hmm. Et parce qu'en terminale, il y a le bac, etc. Mm-hmm. C'est sur votre temps libre, c'est avoir un certain nombre d'heures. Oui, il faut faire 10 heures. 10 heures d'engagement pour une association ou pour un groupe. C'est ça, exactement. Il y a tout type d'engagement. D'accord. Et donc, du coup, on vous en a parlé. Et le père Isaac est venu vous présenter le groupe Agis Nancy. Et donc, tous les trois, Ambre, Charline et Côme, vous avez dit « Ok, nous, on s'engage dans ce groupe-là ». Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans les propositions de ce groupe Agis Nancy ? Côme. Alors moi, c'est vraiment l'esprit de rencontre, de brunch, etc. qui m'a plu. Donc le père Isaac nous a parlé du brunch du 13 avril. Mm-hmm. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. C'est vraiment cet esprit de rencontre avec des lycéens d'autres horizons que le nôtre qui m'a vraiment plu. Donc rencontre avec d'autres. Avec d'autres jeunes, avec d'autres lycéens. C'est ça. Charline. Oui, du coup, donc, quand on a rencontré le père Isaac, il nous a expliqué qu'on allait devoir faire des brunchs et ou donner aussi nos avis sur les brunchs, qu'on allait devoir rencontrer des lycéens. Et du coup, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que on peut donner notre avis, par exemple, sur la chorale, qui va avoir des chorales. On va pouvoir donner aussi les musiques qu'on veut, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est vous qui donnez des idées pour préparer ce fameux brunch du 13 avril. Oui, voilà. Hein, vous êtes vraiment engagé pour faire en sorte que ce brunch se déroule de la meilleure manière possible. Oui. Et Ambre, du coup, pourquoi tu as accepté, toi, de participer à ce groupe ? Qu'est-ce qui t'a séduit ? Pour la même chose, le fait qu'on se retrouve tous entre jeunes du même âge, à peu près, qu'on puisse rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et aussi le fait que cette association, elle aide les pays comme, par exemple, le Burundi. Donc l'aspect solidarité, l'aspect rencontre aussi. Exactement. Mais aussi l'aspect solidarité, ça, c'est des choses qui vous touchent. Et c'est un peu pour ça que vous avez décidé de rejoindre ce groupe Agis Nancy. Et puis aussi, vous participez à une émission de radio. Donc ça, c'est quand même aussi une belle expérience. Ce brunch de Pâques, il se prépare. Donc, il aura lieu quand et qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? Alors, le brunch de Pâques se tiendra le 13 avril à partir de 12h30 sur le parvis de la cathédrale. On y retrouvera de la musique pour les jeunes ou de la musique allemande aussi. Mmh. Il y aura des spécialités également allemandes et même d'autres spécialités, des spécialités en tout genre. C'est vraiment pour les jeunes, pour développer voilà, des liens entre les jeunes des différents lycées. Vous pouvez venir avec vos amis ou autres. Voilà, donc ça c'est déjà une belle com. Mais alors, j'ai entendu spécialité allemande. Pourquoi un brunch de Pâques avec des spécialités allemandes? Nous avons cette année mis au centre des spécialités allemandes. Nous avons voulu varier, voir ce que les autres font par rapport à la tradition de Pâques. En plus de ça, parmi les membres d'Agile Nancy, nous avons une jeune femme qui a étudié les premières années en Allemagne. Et ses parents vivent dans une région proche de l'Allemagne. Donc, elle nous a proposé ses spécialités. Nous avons dit, waouh, pourquoi ne pas mettre ces spécialités aussi changées? Mm-hmm. Et quand nous avons proposé l'idée aux autres membres d'Agile Nancy, et les partenaires ont dit, ok, nous sommes d'accord, raison pour laquelle nous avons opté pour mettre ces spécialités allemandes. Et je trouve que ça va en bonne relation ou en harmonie avec le fait que parmi les animateurs de ce branch, il y aura une chorale allemande. Alors la chorale, elle viendra d'où? Oui, elle viendra de Saint-Jésus-Père, lycée Notre-Dame. De votre lycée. Oui. Donc vraiment un gymnasium à l'international et surtout un lieu très participatif parce que chacun peut apporter ses idées. Le groupe analyse l'idée et décide si c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, un beau temps de rencontre sur le parvis de la cathédrale, donc le 13 avril à partir de 12h30, à la fois, comme nous l'a bien redit, pour rencontrer des lycéens d'autres établissements. On peut amener aussi des amis qui ne sont pas forcément lycéens. Pas forcément des lycéens, chacun viendra avec ses amis. On peut apporter amis. Des choses à manger aussi? Oui, oui. On peut apporter de la musique? Oui, oui. Même si elle n'est pas allemande? N'importe quelle musique, parce qu'on sera à l'ambiance. Voilà. Dans l'ambiance des jeunes, et nous les jeunes, nous n'avons pas de limites. Vous savez que même une des caractéristiques de la musique, c'est d'être universelle. Donc, comme elle est universelle, il n'y a pas de limite pourvu que ce soit une musique dansante qui nous met une ambiance pour nous, les lycéens. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de fêter Pâques dans la joie, la bonne humeur et de se rencontrer. Donc, ça à noter le 13 avril à partir de 12h30 sur le parvis de la cathédrale de Nancy. Exactement. Et ce n'est pas fini. Pour fêter Pâques, le groupe Agile Nancy a un programme bien chargé puisque la veille, donc le 12 avril, il va y avoir, je crois, un film débat. Oui, donc il s'appelle Bruce Tout-Puissant. Dans ce film, il y a Jim Carrey qui y joue et il sera présenté le 12 avril à 20h, donc la veille du brunch, au lycée Charles de Foucault. Donc un film débat autour de Bruce Tout-Puissant avec des thématiques un peu particulières qui seront abordées. Oui, il y aura des thématiques parce que ces thématiques nous sont données par le film lui-même. Parce que le film pose un certain humour autour des questions en rapport avec la vie, en rapport avec Dieu, en rapport avec l'homme. Et nous allons débattre après sur les questions en rapport avec le libre arbitre et surtout le pouvoir. Un film très drôle et vraiment plein de sens, ce Bruce Tout-Puissant. Donc, tous les lycéens, là encore une fois, de Nancy, sont invités à venir au lycée Charles de Foucault le 12 avril à 20h pour regarder et ensuite pour échanger autour de ce film. Oui. Donc, un programme magnifique et bien chargé pour fêter Pâques. Oui, c'est un programme bien pensé parce qu'il a été pensé par les lycéens. C'est là la spécificité, c'est-à-dire que ça répond à notre objectif de départ, parce que pour les lycéens, c'était de pouvoir leur donner le cadre, de pouvoir débattre sur des questions de société, les questions qu'ils se posent. Mm-hmm. Et là, quand nous sommes rencontrés pour préparer le brunch, les lycéens ont émis des idées et nous avons collecté ensemble. Et maintenant, nous sommes arrivés à ce bon programme que nous sommes fiers de vous présenter. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes lycéen, deux dates à retenir, on le rappellera. Encore une fois, le 13 avril sur le parvis de la cathédrale pour un brunch sympathique tout en musique et en rencontre. Et puis donc le 12 avril, autour d'un film Bruce Tout-Puissant, avec un débat, si vous avez envie d'échanger sur ces questions de société, n'hésitez pas à rejoindre Ambre, Charline, Combe, qui font partie de l'équipe de préparation de ce temps autour de Pâques. Et puis, et ben justement, tous les trois, qu'est-ce que vous diriez à des amis ou à des lycéens qui nous écoutent, vous qui êtes jeunes et lycéens, qui êtes engagés dans ce groupe Agis Nancy, pour qu'ils viennent vous rejoindre sur ces deux événements? Alors moi, je dirais que c'est vraiment l'occasion d'être tous réunis à un même endroit, que l'ambiance y est très conviviale. Donc le débat, on peut tous échanger, etc. On peut vraiment rencontrer des personnes qui ont une autre façon de penser que nous, etc. Ça peut vraiment ouvrir notre esprit sur que ce soit la culture traditionnelle allemande au brunch, la culture du Burundi également. Voilà, donc c'est vraiment très, très ouvert d'esprit. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir un esprit un peu plus ouvert. De venir découvrir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu dirais à une amie, par exemple, Ambre, que tu aurais envie d'inviter à ces deux temps autour de Pâques? Je pense que je lui dirais que c'est un moment de partage, de rencontre, comme l'a dit Combe, que ça peut être très intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître la culture du Burundi, présenté par le père Isaac. Aussi, franchement, la nourriture, on va manger, ça va être sympa. Découvrir la nourriture allemande, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, je pense que ça serait déjà convaincant. Hein. Ambre, elle va emmener plein de copines. Charline, d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Je pense qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses, ouais. Mais c'est vraiment basé sur la découverte. Et puis, on est surtout avec des gens de notre âge, de la nourriture et de la musique. Donc, pour s'amuser, quoi. Tout pour s'amuser, voilà. Se rencontrer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes lycéen, venez vraiment rejoindre le groupe Agis Nancy le 13 avril sur le parvis de la cathédrale. Et bien sûr, vous êtes aussi invité le 12 avril. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire. On vient comme ça, même le 12 avril pour le film. Pas d'inscription. On vient comme on veut, c'est-à-dire que la participation est libre. On n'a pas exigé l'inscription. Puis, de toute façon, les gens qui passeront devant la cathédrale vous apercevront. Vous allez faire du bruit. Oui, oui. Quelques jours avant, d'ailleurs, il y aura une banderole qui va annoncer l'événement et tous les programmes que nous venons de dire ici. Les gens qui vont passer juste vont les voir et pourront mettre dans leur propre agenda pour nous rejoindre. N'hésitez pas à venir faire la fête avec les lycéens. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez en retrouver sur Instagram agisnancy54 ou sur le site de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, www.paroisse-ndbn.fr. Merci à vous quatre d'être venus nous parler de ce groupe Agis Nancy à destination des lycéens de Nancy. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.